Bad Name. C'est ce que nous propose Sherry B et le producteur Instinct, réunis sous le joli sobriquet de Tropics, car il est très important de se choisir un nom facile à porter. Nous voici dans la mairie de Montcuq, dans la salle de délibération du conseil municipal, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil de Montcuq. Alors il y a également une spécialité, il doit y avoir des spécialités dans votre village. Par exemple, Montélimar c'est du nougat et Montcuq c'est du poulet. Bien, justement question poulet, il est temps pour toi d'être un coq en pâte et de te vautrer confortablement puisqu'à 11h11, il est l'heure d'amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques qui s'ouvrent bien sûr par notre petite session freudienne. Et ce matin, en compagnie de monsieur Divan Beaujolais, nous chercherons à savoir comment solder la douloureuse de ce banquet bancaire qui bat son plein en ce moment à travers le monde. Allez, c'est le jour H et c'est donc l'orgie. Alors en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Les hauts revenus et les revenus du capital seront mis à contribution. Comment ça ? À quelle hauteur ? On n'en sait rien. Oh oui, quoi, c'est du bidon, bien sûr. Au terme de plus d'un mois de concertation, le gouvernement a envoyé hier aux organisations syndicales une petite invention secrète destinée à surprendre l'adversaire. Un document d'orientation de 14 pages. C'est la moindre des choses. Merci quand même. Il en ressort une confirmation. Il va nous falloir travailler plus longtemps. Il y a de quoi altérer ma bonne humeur, tu trouves pas ? Mais ce document d'orientation ne tranche pas. Pardon, ce couteau, c'est bien à toi ? Entre les différentes solutions possibles, il évoque même les deux leviers possibles. J'aurais cru qu'il y avait plus. Quitte à les cumuler. Bah voyons. Le recul de l'âge légal de départ, actuellement 60 ans. Et l'augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein. Eh bien, pour être honnête, ça ne m'a pas beaucoup fait rire. On est avec Dominique de Villepin. Mais on a le droit de s'amuser. Considérant la situation actuelle... Mon esprit est un torrent furieux. Quelle place, quelle utilité du romantisme politique. Ce dont nous avons certainement besoin, c'est de réflexion et perspective. Grossit le ruisseau de pensée, tombant en cascade tourbillonnante, pleine d'alternatives créatrices. Et nous avons beaucoup souffert de répondre trop souvent par une politique de l'émotion, du spectacle, et du court-termisme, au coup par coup. Si l'on veut défendre notre modèle social français, si on veut défendre l'esprit de notre République, ce n'est pas tous les matins en se levant et en prenant des décisions très souvent inutiles et excessives que nous parviendrons à agir. Ce n'est pas ironique, ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Jean-Luc Mélenchon, le président du Parti de gauche. Qu'est-ce que vous faites ici ? Député européen, bonsoir, monsieur Mélenchon. Bonsoir. Va falloir mettre la gomme, sinon c'est le plongeon. Est-ce que les politiques ont encore le pouvoir sur ce qui se passe, selon vous ? Ils pourraient l'avoir. C'est une capitulation en rase campagne. C'était dans ça. Qui permet un coup d'état social qui est en train de se dérouler en Grèce, un coup d'état social qui est annoncé pour les Espagnols et Portugais, et un jour ils viendront chez nous. Que voulez-vous dire ? Il y a une tentation, une évolution autoritaire des libéraux qui devrait vous crever les yeux. Ça y est, ils ont compris. Maintenant, on a inventé la constitutionnalité économique. Il faut qu'un budget corresponde à la constitution économique, laquelle ? Celle des libéraux. Vas-y, bien fort ! La Banque Centrale Européenne prête aux banques privées à 1%. Et les Grecs, eux, ils sont condamnés à aller emprunter aux banques privées. Bien méchant ! Donc, les États-nations empruntent à des banques qui leur prêtent, pour le cas là, à 18%, qui elles-mêmes se refinancent à 1% auprès de la Banque Centrale. C'est répugnant. Martine Aubry va devoir choisir entre son aile droite et son aile gauche. Je commence à me demander si ça ne vaudrait pas mieux, en effet. Est-ce que vous avez des commentaires sur les commentaires ? De quoi ? L'unanimité au PS. Ok. Sur le projet. Non, écoutez, alors que le gouvernement a échoué sur tout, 170 milliards de dettes en plus... Que le chômage réaugmente, que le taux de croissance est quasiment de zéro. Oh, c'est pas le pied. Que nous avançons une réforme sur les retraites parce qu'il en est incapable. Et vous venez me raconter des problèmes internes au PS que la droite essaye de monter. Tout ça n'est pas sérieux. C'est ce qui s'appelle avoir de l'autorité. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Ce matin... Avec l'intention salvatrice de quitter l'atmosphère sclérosante de cette crise économique qui renforce la précarité et les inégalités, la panique au Mangin Palace a décidé d'oublier notre univers politique, tout de même pas très glorieux, pour te raconter une histoire, et même mieux que ça, un conte. Vois-tu, il était une fois il y a très longtemps, oh là, hyper longtemps, hein, dans un pays lointain, hyper lointain, la belle Milady Marianne se trouvait sous la coupe d'un roi empêtré dans le marasme des finances du royaume, bien qu'il fût sagement conseillé par le chancelier Guéant. Sire, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. En termes choisis, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. Subtil, hein? Oui, tu l'as bien compris, dans ce royaume-là, c'est la pagaille. D'autant que la belle Marianne est également courtisée par une bande de gueux, une clique de va-nu-pieds, les manants de la forêt de Sherwood-Solferino. Pour eux, le vrai problème est d'arrêter de se foutre sur la tronche et surtout de se trouver un chef. Aujourd'hui, on a un autre souci, c'est le fond. Quand même, moi je veux bien qu'on fasse de la politique uniquement au travers des personnes. Alors, il faut choisir un tel, avoir des procédures. Mais c'est le fond qui compte. Est-ce que les socialistes ont quelque chose à dire aux Français? J'ai à dire que... On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Et voilà, les bouseux de la forêt de Sherwood-Solferino ont vu l'un des leurs s'auto-proclamer Robin des Bois car, d'après quelques troubadours de passage, il serait le préféré de la majorité des paysans. C'est ainsi que ce Robin du FMI a tenté de mobiliser ses compagnons d'infortune en stigmatisant les troupes du redoutable roi qui terrifie la contrée. Vous avez tous souffert de leur cruauté. Ils coupent les oreilles, brûlent les yeux de nos frères, ils incendient nos fermes et nos maisons. Ils abusent de nos femmes. Il faut mettre fin à tout cela. Robin a raison. Notre forêt est vaste. Elle peut abriter et nourrir une troupe d'hommes braves et déterminés, des hommes habiles à l'épée et au tir à l'arc. Amis, si vous voulez vous battre pour le peuple, j'ai besoin de vous. Êtes-vous avec moi? Oui! Alors à genoux, et jurons ensemble. Nous, hommes libres de cette forêt, nous jurons de ne dépouiller le riche que pour donner aux pauvres. De protéger les vieillards et les faibles. Et jurons de lutter jusqu'à la mort contre nos oppresseurs. Nous jurons ! C'est ainsi que dans la forêt de Sherwood-Solferino, et sous la houlette de ce Robin des Bois, la bande de manants a tenté de s'organiser afin de s'opposer au roi et à ses vassaux, surtout au shérif de Nottingham d'Hortefeux. Bon, à vrai dire, parmi les compagnons de Robin, qui en vérité voulaient tous la place de chef ou de cheftaine de la bande, il y a eu quelques hésitations. Tu sais, Robin, je me pose une question. Sommes-nous d'honnêtes ou de malhonnêtes gens? Est-ce que c'est bien de dérober aux riches afin de nourrir les pauvres? Quoi? Mais c'est là une expression peu convenable. Nous autres, nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune. Empruntons? Malheur, aurions-nous des dettes? Et ça, la lutte contre la dette en renforçant la dette, ce Robin d'opérette, il connaît bien. C'est son boulot au pays des peaux rouges. Pourtant, face à ses hésitations et afin de rallier l'ensemble de ses compagnons à sa cause, Robin a décidé de se faire interviewer par la ménestrelle du patelin, Dame Chabot. Et il est allé de son discours. Braves gens, prêtez-moi l'oreille. Ouais. Ne laissons plus acculer à la pauvreté. Ouais. Défendons avec énergie ce qui de droit nous appartient. Ouais. Si nous allons au combat, unis comme un seul homme, nous aurons la victoire. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne faiblirons point. Nous combattrons jusque sur les océans. Il a été bouleversant. Comment réagissent-ils? Ils dorment. Effectivement, ils dorment. Mais Robin n'en est absolument pas dépité, car cet endormissement des troupes va sans doute lui offrir une voie royale pour être le candidat des compagnons de la forêt aux prochains comices agricoles. Hélas, tout cela était sans compter la vigilance de quelques fieffés pinailleurs qui ont entendu Robin annoncer que la fin du travail peut allègrement dépasser les 60 ans, alors que les compagnons de la forêt avaient pourtant tous accepté sous serment le contraire. Et d'ailleurs, de retour à Sherwood-Solferino, Robin fut sommé de s'expliquer sur son revirement. Oui, alors, pourquoi ? Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore? Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher. Briser une relation plutôt que la cultiver pour ne pas se retrouver démuni face au bonheur. Oui, pour répondre à votre question, j'ai peur d'aimer. J'ai peur d'aimer. Ce n'est pourtant pas l'image que jusqu'alors Robin du FMI avait développée. Mais de cela, peu importe. Ce que désirent connaître tous ses compagnons d'armes, ce sont les explications à ces contradictions. Comment être Robin des Bois quand on incarne le système féodal qui pose autant de soucis aujourd'hui? Et là, Robin acculé est obligé de préciser que... Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben y'aurait pas toute cette misère. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Et pourtant, quand on est la majorité, on gagne les élections. Enfin, normalement. Alors, cette histoire de Robin des Bois n'a pas encore trouvé sa fin. Il va falloir attendre 2 ans. Mais d'ici là, sache que les compagnons de la forêt de Sherwood Solferino se sont lancés un défi. Tenter d'appliquer les principes de Robin des Bois dans les beaux quartiers de la forêt. Mais bon, il y a encore du boulot. Halte, jeune bourgeoise à Languille. Tu seras plus légère point de vue poids quand tu auras cédé tes richesses. Voilà. Tout ce que j'ai, c'est là-dedans. Des champignons pour tout butin. Voilà qui annonce une collation des plus hétéroclites. Des champignons? C'est tout? Eh ben oui, ben c'est ce qu'on appelle la fameuse embuscade à la forestière. Laissez-moi partir. C'est ça, file ta laine. Il faut lui faire du mal aussi. Mais comment? Non, je vous en prie, laissez-moi. Petite minute. Patience et mère de famille. Normalement, il faut lui faire du mal, sinon elle aura pas assez peur. Pas assez peur, je vois pas ce qu'il vous faut. Ah oui, non, mais il me semble que la pauvrette est déjà bien caractérisée, non, c'est son caractère. Qu'elle raconte qu'on est des horribles, c'est ça le marché. Elle s'en va. Oui, âpre constat. Que n'en sommes-nous, Lénie? Allez, venez, nous pouvons nous relaxer. Cette jeunette se souviendra de nous en des termes peu restrictifs. Watch you when you say what you are. and You Hurt. C'est le refrain du lover Jack Johnson, un surfeur et cinéaste californien qui n'était pas invité au Festival de Cannes. Mais bon, faut dire aussi qu'il n'avait rien à échanger, Pépère. Oussama ? Eh, vous êtes sur les marches ? Eh ouais ! En échange de la libération de Clotilde Rice, la France nous a offert une semaine à Cannes. Merci, Kouchner ! Oh ouais, merci Bernard, hein. Bon ben, là c'est clair, on a lâché sur tout. Alors maintenant, à 11h26, ouvrons notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain qui nous conduit ce matin à Jérusalem, le 23 mai 1960, il y a donc tout juste 50 ans. Ce jour-là, David Ben-Gourion, premier ministre israélien, annonce à la Knesset que les agents du Mossad ont enfin capturé Adolf Eichmann, haut dignitaire nazi, qui fut chargé de superviser l'extermination des Juifs sous le Troisième Reich. En effet, quelques jours plus tôt à Buenos Aires, le 11 mai 1960, alors qu'il rentre chez lui, Adolf Eichmann se fait kidnapper en pleine rue par des agents secrets israéliens après plusieurs années d'enquête. Néanmoins, nos fantômes radiophoniques de l'INA se sont inquiétés de savoir pourquoi il aura fallu attendre le printemps 1960 pour capturer ce petit artisan du mal. Alors écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on s'interrogeait sur toutes sortes de choses. Par exemple, pourquoi l'arrestation d'Eichmann avait eu lieu en 1960 et pas en 1945, à la fin de la guerre. On dit, vous savez, que Eichmann a échappé pendant 15 ans à tous les services alliés qui le recherchaient. Vous savez qu'il a été pris en Autriche en 1945 par les troupes américaines qui, malheureusement, le laissèrent filer. Il s'est ensuite réfugié en Allemagne, paraît-il, chez un colonel SS de ses amis. Il y a vécu pendant 5 ans comme bûcheron. Et puis en 1950, eh bien, il a quitté l'Allemagne pour le Brésil. Enfin, écoutez, d'après les dépêches que nous avons reçues ce matin, Eichmann aurait été enlevé par les services secrets israéliens en Argentine le 21 mai dernier par un avion de la compagnie israélienne El Al. Mais on ne comprenait pas comment Eichmann avait fait pour filer en 1945. Alors Romain Fagence nous a expliqué. Il est tombé aux mains des Américains, et comme il savait qu'il était le numéro 3 de la liste des criminels de guerre, de la liste alliée, il avait perdu tout espoir. Et il a décliné sa véritable identité. Il était avec son aide de camp. Mais les Américains n'y ont prêté absolument aucune attention. Ces Américains, ils étaient à la recherche de soldats allemands en fuite et déguisés en civils. Et lorsqu'il a dit son nom à Eichmann, le sergent américain a porté ce nom sur ses listes, Eichmann. C'est l'aide de camp d'Eichmann qui s'en est aperçu. Il a dit ce qu'il fallait à son patron. Et dès le lendemain, il n'y avait plus d'Eichmann. Il y avait un lieutenant SS Eichmann, Otto Eichmann. Et c'est comme ça que ce prétendu Eichmann a été envoyé par les Américains dans un camp de prisonniers de guerre. Aux portes même de Nuremberg, il est resté là-bas 8 mois. Il a vécu là-bas tout le procès de Nuremberg où il était constamment question de lui et de ses crimes. Et ce procès, il l'écoutait avec son petit poste de radio qu'il avait fabriqué lui-même. Il l'écoutait nullement inquiété. Finalement, il s'est évadé de ce camp de prisonniers de guerre. Il a fait une courte, brève réapparition à Bathaus où il a vu sa femme. Et après, il a disparu pour 15 ans. Et pourquoi les nazis disparaissaient si souvent en Argentine ? Une analyse de Simon Wiesenthal nous a éclairé sur la question. Beaucoup sont allés en Argentine. Les anciens nazis avaient investi leurs fonds pour aider le gouvernement. En échange, ils ont reçu 7500 certificats et cartes d'identité pour ces criminels. Après la chute de Perón, beaucoup d'anciens criminels nazis ont pris la fuite parce que leur protecteur Perón n'était plus là pour les protéger. Et que s'est-il passé entre l'arrestation et l'exécution d'Eichmann ? il y a eu un procès. Et Frédéric Potcher, encore une fois, y était. Cet homme seul qui nous apparaîtra entre deux policiers le 11 avril prochain dans une cage de verre dressée au centre du prétoire du tribunal régional de Jérusalem, Adolf Eichmann, âgé de 55 ans, est peut-être le plus grand criminel qu'un tribunal ait jamais été appelé à juger. Eichmann a plus de 6 millions de morts sur la conscience. L'accusé a appliqué le programme de destruction physique des Juifs, dit « solution finale du problème juif », discuté au cours d'une conférence secrète tenue à Berlin le 20 janvier 1942. Cet acte d'accusation fait mention de 39 témoins à charge cités devant le tribunal régional de Jérusalem et dont certains parleront au nom de milliers de victimes. Quand on est un salaud, un vrai, un pur, un beau, on se met au service de la maison Himmler. De la maison Himmler. Puis on fait le serment d'obéir totalement, quels que soient ses caprices, aux ordres du Führer. Aux ordres du Führer. La croix gammée sur l'œil, on montre avec orgueil qu'on est un grand champion dans la course à l'abjection. Merci beaucoup, Flora Bernard, ainsi qu'à Pierre Dac, que nous venons d'entendre à l'instant en malicieux croqueur de nazi. Alors, sans jamais oublier cette banalité du mal dont parlait Hannah Arendt, rejoignons maintenant nos actualités foutraques et locales. Voici notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Bien, à 11h33, il est temps désormais pour nous de débouler dans notre sympathique petit village fleuri où nous attendent Monique, l'hystérie, et Jean-Claude, le divan. Car figure-toi que vendredi dernier, à la librairie de Grosboule-les-Bains, était invité le philosophe ultra-médiatique Michel Onfray, pourfendeur croquignol de Sigmund Freud, venu dédicacer son nouveau brûlot consacré au père de la psychanalyse, qu'il nous décrit comme un charlatan qui plus est détestable. Mais avant la séance de dédicace, Michel Onfray s'est fendu d'une petite intervention devant un public conquis où il a dénoncé, entre autres, la supercherie du complexe d'Oedipe. L'origine, elle est très simple, c'est une lettre à Fliss où il dit « Mais quand j'étais petit garçon, j'ai fait un trajet en train avec ma mère de Leipzig à Vienne. » Et il dit « Je n'ai pas pu ne pas l'avoir nue et j'ai donc désiré sexuellement ma mère. » Alors si j'ai bien tout compris, parce que j'ai tout lu Freud. Et il conclut que c'est le cas de tout le monde. Alors il dit « Mais mon garçon, tu prends tes désirs pour la réalité. » Alors ce que je voulais vous dire, donc j'ai tout lu Freud, il disait « Le sexe n'est pas une maladie. » Il écrivait beaucoup à sa mère. C'est pas parce que t'as le désir de coucher avec ta mère que tous les petits garçons ont le désir de coucher avec leur mère. C'est pas parce que t'as le désir de tuer ton propre père que tous les petits garçons ont le désir de tuer leur propre mère. J'ai tout lu, j'ai tout compris. Mais cette idée qui consiste à dire « j'ai une intuition, ça devient une idée, cette idée je l'universalise et ça marche pour tout le monde », c'est ce qui fait la méthode de Freud, donc c'est pas une méthode de scientifique, ça c'est sûr. Oui. Nos amis Gros Boulet portent bien leur nom, puisqu'ils adorent les interventions de Michel Onfray. Sauf Jean-Claude et Monique, assez sceptiques. Surtout lorsqu'ils aperçoivent la couverture du livre en question, sur lequel figure une photo de Sigmund Freud, sans qu'apparaisse son nom, alors que celui de Michel Onfray triomphe d'arrogance, mais sous lequel malheureusement se niche le titre de son livre, à savoir « Le crépuscule d'une idole ». Tiens donc, un acte manqué sans doute, se dit Monique, puisque ça donne ceci, « Michel Onfray, le crépuscule d'une idole ». Cela dit, imperturbable, le philosophe poursuit sa démonstration de l'escroquerie qu'incarne à ses yeux Sigmund Freud. Et Michel Onfray a des preuves. Sigmund Freud parle de la psychanalyse. I started my professional activity. Tout d'abord, bonjour. Je recherche un moulin à café de marque Peugeot pouvant moudre du grain de diamètre 15 ou 17. Si tu es blonde, jeune, à forte poitrine, ça m'intéresse aussi. Je suis extrêmement impatient de te rencontrer. No smoking, please. You can call me at n'importe quelle heure of the night or of the nuit. If you are blonde, but a big, big poitrine, it interests me. Call me. I love you. Dans la librairie de Grosboul, le public est ébahi par la démonstration implacable des recherches qu'a effectuées Michel Onfray. C'est lui le génie, Freud au pilori, s'écrie la salle. Dire qu'il aura fallu attendre plusieurs décennies avant qu'un philosophe, un vrai, ose nous dire la vérité. D'autant que Michel Onfray ajoute que Freud fut un être abject, libidineux et détestable. Certes, mais voilà qu'une très vieille dame, née il y a plus d'un siècle, réclame la parole pour apporter son témoignage. J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud en 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de jours on croyait que Freud était un personnage bizarre qui ne s'intéressait qu'aux problèmes de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Freud, d'ailleurs, était un des êtres les plus doux et les plus dénués d'agression et de méchanceté que l'on puisse voir. Il vivait d'une façon extrêmement simple. Il me disait un jour, on dit que les hommes de génie sont insupportables dans leur famille. Demandez à ma famille si je suis insupportable. Je ne dois donc pas avoir de génie. Eh bien, et c'était exact. C'était l'homme le plus dénué de cruauté et d'agression que l'on puisse voir. Oh là ! Devant cette contemporaine de Marie Bonaparte, Michel Onfray est décontenancé. Et aussitôt, il met fin à cette petite séance de dédicace, bien sûr. C'est alors que Jean-Claude lui propose de le raccompagner en bagnole à son hôtel. Michel Onfray accepte volontiers et, sur le trajet, il explique à Jean-Claude pourquoi la psychanalyse fait des ravages, à l'instar de la psyché de cette vieille dame qui a pris la parole ce soir. En général, il n'y a pas grand-chose à tirer des femmes en analyse. Quand elles sont tombées dans les mains des psys, elles sont pour ainsi dire impropres à tout usage. Sous couvert de reconstruction du moi, les psychanalystes procèdent à une scandaleuse destruction de l'être humain. Ils s'attaquent avec le plus grand cynisme à des braves filles, pour en faire d'ignobles pétasses, d'un égocentrisme délirant. Ils ne peuvent plus susciter que le dégoût. Non, mesquinerie, égoïsme, sottise arrogante, absence de tout sens moral, incapacité chronique d'aimer, voilà le portrait exhaustif de la femme analysée. Très attentive, Monique intègre les propos de Michel Onfray, mais elle demeure perplexe. Notamment, elle lui oppose que de nombreuses femmes en détresse, tout autant que des hommes, ont trouvé refuge dans la verbalisation de leurs problèmes. Ce n'est que ça, la psychanalyse, savoir énoncer ses tourments. Et elle ajoute qu'avant Freud, l'inconscient n'existait pas, les lapsus, c'est tout de même révélateur de quelque chose. C'est alors que Michel Onfray, le phare de la pensée occidentale, lui répond que pour sa part... Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. N'y aurait-il pas là comme une apologie de la débauche ? Jean-Claude s'inquiète, en effet. Mais c'est là l'ambition de Michel Onfray, car son désir de nier la complexité psychique de notre sexualité, c'est une manière simpliste de réclamer une orgie permanente et fantasmée. C'est une pulsion très égotique, se dit Monique. Intrigué, Jean-Claude propose alors à Onfray un défi. Dans le hall de l'hôtel, il y a là une femme en pleurs qui semble se noyer dans les malheurs d'une rupture amoureuse. Alors voici la proposition du Jean-Claude. Lui va tenter une approche psychanalytique, tandis qu'Onfray agira à sa manière pour consoler cette femme. Ainsi, Jean-Claude s'avance vers elle avec une authentique compassion. Cela peut vous sembler une qualité féminine avant tout, mais nous avons tous des qualités féminines. Hommes et femmes se partagent des gènes homogènes. Chaque homme possède un tout petit vagin et chaque femme un petit pénis. Non, vraiment minuscule, c'est vrai, mais existant. Nous faisons partie d'un tout et tout est en nous. Et si nous acceptons cette globalité qui est en nous, alors peut-être pourrons-nous mieux assumer notre ego et nous accepter nous-mêmes. Et nous aimer nous-mêmes et devenir plus aimables afin que les autres puissent nous aimer. Cette jeune femme en pleurs, allongée sur un canapé en velours défraîchi en guise de divan, est plus que troublée par ce discours du Jean-Claude. Mais très vite, il laisse sa place à Michel Onfray, qui propose d'abord à cette femme de se présenter. Elle se prénomme Jeanne et ensuite Onfray tente une approche de séduction où il apprend que Jeanne, donc, vient de se faire plaquer par Steve et qu'elle est au fond du trou. Je lui ai dit qu'il fallait que j'entre en contact avec mon unicité. Mais ces choses-là, ça le dépasse. Il a dit que je l'avais poussé à partir. Les choses ont parfois une fin. C'est notre façon d'appréhender ça qui est importante. Mais je n'arrive pas à croire que ce soit fini entre moi et Steve. C'est trop... Je me dis parfois qu'il reste un espoir. Eh bien, la première chose que vous devriez faire d'urgence, c'est arrêter de vous lamenter. Oubliez ce pourri, ce loser. Bordel, c'est dingue. Vous êtes une reine de tragédie. Steve, s'il ne m'aime pas, Steve ne me respecte pas, mais on s'en branle. Remue-toi un peu. Oui, c'est ça la méthode Michel Onfray. Bouge-toi le cul. Et il est persuadé que ça marche. D'ailleurs, après avoir brocardé Jeanne sous son faux divan, là, il est persuadé qu'elle va mieux et qu'elle est même sous le charme de cet homme viril qui affronte les problèmes en face. Oui, sauf que Jean-Claude apprend très vite à Michel Onfray que désormais, Jeanne refuse catégoriquement d'adresser la parole à ce malotru et qu'elle préfère se confier à Jean-Claude, chez qui la filouterie a tout de même fini par reprendre le dessus. Ah oui, oui, me raconte tout. À toi. Bah oui, à moi, oui. Dis donc, je me demandais justement pour Jeanne. Non, je ne te prête pas mon divan. Mais dis donc, tu profites pas de la situation, hein. Mais non, non, non, je voulais juste savoir, elle règle avant ou après la consultation? Toujours avant. Toujours avant, ouais, ouais. C'est au cas où il se suicide. T'apprends vite. Ouais, ouais, mieux être argent comptant. Bon, alors j'en étais... Ah oui, à mon côté femme-enfant. Donc tu sais que je suce encore mon pouce le soir avant. Attends, il faudrait que tu me règles avant, Jeanne. Oh oui, oh pardon, excuse-moi. Hein? Tiens, j'ai que ça, ça ira. Je compte pas, je te fais confiance. Donc tu suces. Oui, je peux pas m'en empêcher. Mmh. Oui, il y a aussi des escrocs chez les psychanalystes. Et il semblerait bien que Jean-Claude ne soit ni freudien, ni lacanien, mais surtout charlatan. Quoi qu'il en soit, il est temps dès à présent, à 11h43, toujours en direct du Mangin Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de M. Julien Dugast, le mot qui compte triple est un petit mammifère herbivore, le lapin. Mais attention, un curieux lapin, puisqu'il fut l'attraction ces derniers jours de cette 63e édition du Festival de Cannes qui s'achève ce soir. Et pourtant, personne ne l'a vu, ce lapin. Et ce, malgré les nombreux collets qui furent posés sur la croisette. Étrange affaire aux marches du palais. Ainsi, en compagnie de notre ami Gérard Lefort, rédacteur en chef du quotidien Libération, et en duplex de Cannes pour couvrir l'événement, découvrons ensemble, juste après la virgule, l'histoire de ce sublime garenne. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Trois consonnes, deux voyelles, lapin. Alors le lapin est un animal sauteur, coureur, farceur et très bon à manger. Donc poser un lapin, c'est à la fois... ne pas honorer un rendez-vous, mais c'est aussi espérer que ce rendez-vous ait lieu pour attraper le lapin par les oreilles et le manger en civet. Poser un lapin. In Paris, to leave a rabbit means to stand someone up. Parce que Jean-Luc Godard a posé un lapin cannois. Oui, Jean-Luc Godard a posé un lapin cannois, ce qui d'ailleurs induit une vision magnifique de Jean-Luc Godard en lapin. Alors j'aimerais bien voir Jean-Luc Godard en lapin, dans une combinaison de lapin bleu, par exemple, avec bleu comme le lac Léman, au bord duquel il habite. Donc je verrais bien, effectivement, Godard en lapin, apposé à lapin au Festival de Cannes. Cannes 2010, 5000 journalistes, 6 milliards de personnes dans le monde qu'on n'a rien à branler. Oui, monsieur Godard, oui. Il a écrit au Festival de Cannes un mot d'excuse où il a parlé de motifs grecs. Alors, ça permet avec joie toutes les interprétations. A-t-il été se faire voir chez les, par exemple? Ou bien est-il dans un état de tragédie grecque? Ou bien est-il en état de démocratie grecque? Parce que les Grecs ont tout inventé, à la fois la démocratie et la tragédie, au même moment, dans la même ville, à Athènes. Cannes 2010, il fait beau, il fait pas beau. Parfois c'est bien, parfois c'est nul. Oui, monsieur Godard, oui. Je crois qu'il a un motif dont il m'a fait la confidence et que je livre exceptionnellement en exclusivité intersidérale à votre émission. C'est que la pâtisserie Rohr de la rue d'Antibes est fermée. Je répète, La pâtisserie Rohr de la rue d'Antibes est fermée. Alors ça, c'est un motif de ne pas venir à Cannes, car la pâtisserie Rohr, le saviez-vous, a été une pâtisserie merveilleuse à l'époque de la Nouvelle Vague. On faisait des nouveaux babas au rhum, des nouveaux éclairs, des nouvelles religieuses. Et Jean-Luc Godard et d'autres de la Nouvelle Vague étaient un habitué, un fidèle des pâtisseries de la pâtisserie Rohr. Or, la pâtisserie Rohr, effectivement, a fermé, a été remplacée par une grande marque de pâtisserie industrielle dont je tairai le nom, bien sûr. Vous le devinerez sans doute, le vôtre, le leur, le mien, ça tourne autour de ça. Et donc, voilà, et c'est un motif qui l'a, enfin, c'est une nouvelle qui l'a beaucoup touché, beaucoup affecté. Et je pense que c'est une raison tout à fait honorable et respectable de ne pas venir au Festival de Cannes si on ne peut pas manger une bonne patoche. Cannes 2010, les starlettes se prennent pour des stars, les stars ne sont même pas des starlettes. Oui, monsieur Godard, oui. C'est un confrère d'ailleurs de Jean-Luc Godard, qui est un philosophe, qui s'appelle Panofsky, qui a parlé à propos de Jean-Jacques Rousseau de la super-présence de l'absence. Et ben voilà, on était dans la super-présence de l'absence, avec la non-présence de Jean-Luc Godard. Mais ce qui était très présent, par contre, c'était son film. Donc voilà, il nous envoyait à Cannes, il envoyait une gigantesque, impressionnante, belle, émouvante, bouleversante carte postale qui s'appelle Film Socialisme. C'est un film encourageant, parce qu'on sort du film en ayant envie de discuter, et pas forcément du film. Voilà, lui, il pense que les idées séparent et que les rêves nous rapprochent. Bon, alors moi, je pense que les idées peuvent aussi nous rapprocher, voilà. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Alors, il a souvent été dit que Jean-Luc Godard faisait de l'ombre à ses films, tant il est spectaculaire et magnétique lorsqu'il prend la parole. Eh bien, cette fois, il a préféré laisser sa pellicule naviguer seule sur la croisette afin qu'elle puisse exister pleinement, et nous ne pouvons qu'admirer sa décision. Par ailleurs, profitons ce matin de cette occasion pour lui dire ici que nous sommes très heureux de savoir qu'il est toujours là, en vie, et qu'il n'a rien perdu de sa malice. Il est doux, parfois, de se souvenir que Godard existe. Pour finir, nous vous cédons la parole, maestro. Le présent n'existe pas dans le cinéma, le lundi n'existe pas, c'est toujours le dimanche ou le mardi, et le lundi est simplement la liaison entre les deux, et l'image, c'est ça. Moi, j'ai une toute petite ligne de chance. Moi, j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance, c'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. C'est une fleur dans mon jardin. Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. L'oiseau frivole de nos destins. Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien, à peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne de hanche. maligne tes chances, c'est l'oiseau vol de nos destins. Maligne de chance. C'était en 1965 Anna Karina et Serge Resvani qui se baladaient sur la bande originale du film Pierrot le Fou. Car revoir un chef-d'œuvre, c'est toujours une chance qui permet de s'échapper de la sinistre réalité de type grec. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence. Eh bien, j'aime le plaisir et j'ai envie d'une revue de presse. Alors à 11h51, nous retrouvons notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien, Philippe, cette semaine, l'ensemble de la presse est en effervescence et ne parle que de votre nouvelle petite coupe de cheveux. C'est merveilleux. Taisez-vous. Bah, en fait, Philippe, cette semaine, j'ai relevé dans la presse un net intérêt porté à la persuasion et aux célébrations. Pour commencer, mardi dernier, la police baloise fut sur les dents. Car contrairement au clicheton selon lequel, en Suisse, il se passe jamais rien, le site internet du quotidien Le Matin nous apprend que dans la commune d'Auberville, pas très loin de Bâle, ce fut le Bronx. Les policiers sont intervenus pour déloger 3 paons qui se baladaient sur le toit d'un immeuble. Alors que faisaient ces paons sur le toit de cet immeuble ? Était-il là en amoureux? Je ne sais pas, mais le journal nous dévoile que ces bestioles étaient héméralopes. Alors, non. Ça veut dire triolisme en pan, ça. La journée contre l'immonde et persistante homophobie, c'était lundi, là aucun rapport. Héméralope signifie tout simplement que les pans ne voient pas quand la lumière est faible. Ah. Ouais, tout simplement. Bon, donc que tout le monde soit rassuré, les pans ont été descendus le lendemain. Enfin, descendus, capturés, quoi. Voilà. Bon, Philippe, puisque justement nous parlons d'héméralope, il est intéressant de lire cette semaine le bimestriel Cerveau et Psycho qui s'intéresse à l'art de la persuasion et qui surtout nous prouve à quel point nous vivons tous dans le noir. Cerveau et Psycho recèle dans ses pages une liste d'auteurs dignes de l'annuaire d'une UFR, unité de formation et de recherche d'une université de psychologie et des neurosciences. C'est du lourd, hein. Alors on y apprend des trucs dingues dans ce numéro qui veut nous montrer comment les maîtres de la supersuasion nous font changer d'avis. Et le tout s'appuie sur des expériences scientifiques, le plus souvent universitaires, qui font écho à notre quotidien. Et surtout, qui font très peur sur notre propension à être manipulable. Alors, je vous donne un exemple. Christophe André, médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, enseignant à Paris-10-Nanterre, nous rapporte les résultats d'une étude réalisée en 2002 à l'université de Monmouth dans le New Jersey, aux États-Unis. Vous savez, dans ce pays, faut donner un pourboire, c'est presque une obligation. Et dans un restaurant, l'étude a porté sur la manière d'apporter l'addition. Alors, un premier groupe a reçu un bonbon avec l'addition et a donné en moyenne un pourboire 3% plus élevé qu'un groupe de clients qui n'avait pas eu de bonbons. Voilà. Mm-hmm. Bon. Un autre groupe a reçu 2 bonbons avec l'addition, 14% de pourboire supplémentaire. Mais ce qui est stupéfiant, c'est le dernier groupe. Le serveur vient avec l'addition, donne un bonbon, repart, puis se ravise et donne un second bonbon. Et dans ce cas, en moyenne, le pourboire a augmenté de 23% par rapport au groupe sans bonbons. Eh, bon. Eh oui, l'incongruité attire notre attention et nous stupéfie. C'est donc un excellent mode de persuasion. Le magazine Cerveau et Psycho de mai-juin est truffé de ce genre d'expériences terrifiantes, hein, soutenues par une démarche scientifique. C'est génial. Tenez Philippe, vous savez ce que c'est l'heuristique de jugement? Non, hein, l'eucharistique. Non. Ah, il est l'heure. Eh bien, c'est un concept qui, en gros, pose une règle de jugement facilement utilisable, mais que l'on peut ensuite détourner de façon abusive. Olivier Corneille, professeur de psychologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, donc spécialiste de la persuasion, nous donne un exemple. Nous sommes tous au moins une fois tombés sur ces pubs ou ces séances abrutissantes de téléachat qui nous vantent des couteaux de cuisine aiguisés au laser. C'est génial ça, oui. Hein, des couteaux de cuisine aiguisés au laser. Sauf que d'un coup, là, nous sommes influencés par une heuristique de jugement. Face à l'information laser, nouvelle technologie, notre cerveau en conclut que ces couteaux sont bien plus performants que s'ils étaient passés sur la meule à pépé. Oui. Et oui, bah ça veut dire quoi en fait, aiguisé au laser? C'est du vent, ça. C'est, non, ça apporte aucune information, ça ne nous dit pas si ça coupe mieux. Mais je vous dis, l'heuristique de jugement, ça marche. Pour les retraites, le bouclier fiscal, le déficit de la sécurité sociale, ouais, ça marche. Allez Philippe, encore une petite expérience de persuasion réalisée en 1986 par Richard Feinberg, psychologue à l'université de Purdue au States. Il s'est intéressé au logo des cartes de crédit affichées en devanture des magasins. Mm-hmm. Vous voyez, hein, toujours ces trucs-là, il a demandé à des étudiants de dire la somme d'argent qu'ils étaient prêts à dépenser pour un t-shirt. Mm-hmm. Alors il leur a montré une image de t-shirt, une photo, puis à côté avec une photo pipeau comme ça. Et puis dans un second cas, avec à côté le logo d'une carte de crédit. Eh bien, les étudiants étaient prêts à dépenser en moyenne 13 dollars quand le vêtement était accompagné d'une photo quelconque, contre 20 si le logo était celui d'une carte de crédit. Et c'est le concept de l'effet d'amorçage, nous explique le magazine. Voir ces logos développe dans notre cerveau un stimulus qui facilite un comportement, en l'occurrence, vas-y, dépense ton blé. Voilà, donc c'est un truc absolument incroyable. Hein. Toutes les indications qu'on voit sur les portes des boutiques ne sont pas seulement là pour nous renseigner sur les moyens de paiement, ouais. C'est pour nous inciter à acheter. Bon, il y a plein d'autres analyses encore comme ça dans Cerveau et Psycho. Vous l'avez lu, Philippe? Non. Non, ben, évidemment, chez votre coiffeur, c'était Closer, je m'en doute, il n'y a pas de problème. Bon, Philippe, notre cerveau est facilement victime des super-suadeurs. Et ce mois-ci, un article dénonce la volonté de nous persuader de l'importance d'une farandole de célébrations officielles dont le choix est à discuter. C'est dans l'indispensable et salutaire monde diplomatique que l'on trouve un article d'Evelyn Pieler consacré au Haut Comité des Célébrations Nationales, chargé de conseiller le ministre de la Culture sur les trucs et les bidules à célébrer. Et il est intéressant de constater l'écho entre la liste des célébrations nationales et le débat sur l'identité nationale aussi. Dans les deux cas, c'est un reflet d'une certaine idée de la nation. En 2010, l'accent est mis sur les racines chrétiennes de la France. Dans la rubrique Économie et Société, 7 anniversaires sur 11 sont sous le signe du religieux, pourquoi pas. Mais en littérature, on fête le retour de Charles Péguy à la foi avec le mystère de Jeanne d'Arc. C'était en 1910, mais on oublie qu'en 1910, on aurait pu fêter notre jeunesse du même Péguy où il refuse de renier son idéal socialiste et républicain. Voilà, c'est génial. Il termine d'ailleurs cet article par la maxime de la grande période russe. Hein. On ne sait jamais de quoi hier sera fait. Bon, écoutez, moi, de mon côté, je sais pour vous de quoi hier était fait. C'était coiffeur. Enfin, non, Philippe Comte, prenez-moi, nous nous connaissons bien. Je sais à quel point vous aimez la discrétion, mais il m'était impossible ce matin de ne pas évoquer cette rencontre improbable et sublime entre un colin et un merlan. Merci beaucoup, monsieur Maudu. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 206e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace, c'est une émission coécrite et dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine et à la réalisation, il y avait ce matin Yvan Beaugelet, doublure d'H2M. Merci beaucoup Yvan. Assisté au jour de la technique de Sophie Moreno et de Patrick Henry, merci beaucoup à vous deux. C'était parfait. Voilà, merci à toute l'équipe. Nous sommes un peu en retard. Et puis juste avant de vous quitter, je vous rappelle, chers amis, qu'après Marseille, nous serons en direct d'Annecy le dimanche 6 juin prochain de 11h à midi, c'est dans 15 jours, et nous vous attendons très nombreux au musée Château d'Annecy. La journée continue sur France Inter, après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Rendez-vous le week-end prochain, mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien, ciao. On fait pas une deuxième prise? Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.